flemme de trouver un thème. Putain. De trouver un thème, là j'avais juste envie de t'égras. J'ai des rimes par centaines, surtout quand la peine m'écrase. Une vie m'écrase, pareil que je suis un mec rare qui fait le grand écart entre l'amour et les crasses. Pas attiré par les strass, souvent guidé par le stress. Alors j'attends que ça se passe pendant que les autres se pressent. Je préfère être seul quand mes colères se déchaînent. En vrai, comme la boussole, les meufs aiment trop faire des scènes. Quand ta place fait des siennes, c'est qu'il y a forcément un manque. C'est pas avec mes addictions que je ferais sauter la banque. J'ai appris que les attentes se transforment en déception. Pourquoi prier un dieu qui a des problèmes de réception? Ma vie confirme la règle, mais je suis pas une exception. C'est pas pour faire comme les autres qu'on s'est mis à tester le son. J'ai baptisé comme un porc, c'est la vie qui m'a saoulé. J'essaie juste de pas couler, donc vas-y laisse-moi rouler. Frérot laisse-moi rouler, après on va débouler. Y'a quoi de péter des boulons quand il certifie des boulets. Laisse la prod dérouler pendant que Nesta sert des verres. Pendant que j'essaie de faire des verres, je vais continuer de l'écouter. Leur rap m'a dégoûté comme les pensées d'un scatophile. Y'a que les jaloux qui me chient dessus, moi je suis pas ce gars docile. Pour les petits je suis un fossile, je rappe tant que c'est possible. On voudrait viser dans le mille, faudrait déjà choisir nos cibles. Train de vie nocif, moi je suis déjà prêt à canner. J'ai pas appris de mes erreurs et j'apprendrai pas cette année. À me planter dans le cœur, si je meurs, faut pas s'étonner. Pareil que l'amour se cultive, bah moi j'ai tout bétonné. Nos douleurs, on les connaît, on apprend à faire avec. Financièrement, je suis à sec, mais je continue de déconner. Je crois que mon heure a sonné, je savais qu'elle approchait. Déprimant est ce projet, vous m'en voyez désolé. Aïe. Désolé. Désolé.